Vous écoutez France Culture. Lettre du Japon. Chronique d'une traversée. De Rudyard Kipling. Premier épisode. Avec Laurent Stocker, Christian Gonon. Réalisation Catherine Lemire. Le 15 avril 1889, Kipling, né à Bombay, citoyen anglo-indien, écrivain déjà reconnu alors qu'il n'a que 24 ans, atteint les rives du Japon. Parti de Calcutta le 9 mars précédent, il quitte définitivement les Indes après y avoir travaillé pendant 7 ans en tant que journaliste, pour rejoindre les États-Unis. Rédacteur en chef adjoint du Pionnier, d'Allahabad, c'est pour ce journal qu'il rédige la chronique de son voyage, sous forme de lettres. Accompagné d'un ami photographe qu'il nomme mystérieusement le professeur, il nous livre sa découverte et sa traversée du Japon. Ce matin, après les tristesses d'une nuit de roulis, le sabord de ma cabine me montra deux grands rochers grisâtres, cloutés et rayés de vert, et couronnés de deux pins rabougris noir-bleu. Au-dessous des rochers, un bateau qui, pour la couleur et la délicatesse, pouvait avoir été découpé dans du bois de santal, secouait au vent du matin une voile plissée blanc-ivoire. Un jeune garçon bleu indigo, à face de vieil ivoire, tirait sur une corde. Rochers, arbres et bateaux formaient un panneau de paravent japonais et je m'aperçus que le pays n'était pas un mensonge. Notre bonne terre brune tient en réserve maint plaisir pour ses enfants, mais il en est peu, dans son trésor, de comparable à la joie de toucher un nouveau pays, une race complètement étrangère et des coutumes contraires. On a pu écrire des bibliothèques, cela n'empêchera jamais tout nouveau témoin d'être à lui-même un autre Cortés. Et j'étais au Japon, le Japon des cabinets et de la menuiserie, de la gente gracieuse et des belles manières. Le Japon d'où viennent le camphre et la laque et les sabres en peau de requin. Parmi, qu'est-ce que disaient les livres ? Une nation d'artistes. Assurément, nous ne nous arrêterions à Nagasaki que 12 heures avant de continuer sur Kobe. Mais en 12 heures, on peut emballer une fort jolie collection de nouvelles connaissances. Quand le pousse-pousse, tiré par un joli garçon à figure de basque, aux joues de pomme d'api, me jeta en plein décor du Mikado, premier acte, je n'arrêtai ni ne me mis à pousser des cris de joie, attendu que mon maintien revêtait encore toute la dignité de l'Inde. Je me renversai sur les coussins de velours et grimaçai un voluptueux sourire à Piti Singh, sa large ceinture, ses trois épingles géantes dans ses cheveux bleutés et ses socques hauts de 3 pouces. Elle se mit à rire. Et son rire, celui d'une lady, fut ma bienvenue au Japon. Les gens y peuvent-ils s'empêcher de rire? Je ne le crois pas. Vous comprenez, ils ont dans leur rue tant de milliers d'enfants qu'il faut aux aînés forcément être jeunes de peur que les bébés ne se désolent. Nagasaki est habitée entièrement par des enfants. Les grandes personnes n'y existent que par tolérance. Un enfant de 4 pieds se promène avec un enfant de 3 pieds, lequel tient par la main un enfant de 2 pieds, lequel porte sur son dos un enfant d'un pied, lequel, mais vous ne me croirez pas si je vous dis que l'échelle descend à de petites poupées nippones de 6 pouces, comme on en vend dans Burlington Arcade. Ces poupées frétillent et rient. Elles sont nouées d'une chemise de nuit bleue, nouée elle-même d'une large ceinture qui, à son tour, noue la chemise de nuit du porteur. De sorte que si vous dénouez cette ceinture, bébé et grand frère, guère plus grand que lui, se trouvent du coup parfaitement nus. J'ai vu une mère agir de la sorte, et ce fut tout à fait comme l'opération qui consiste à débarrasser un œuf dur de sa coque. Puis je me mis à admirer sur leurs joues la fraîcheur des gens, le sourire à trois fossettes, des gras bébés, et l'extraordinaire « quelque chose d'autre » de tout ce qui était autour de moi. C'est étrange de se trouver dans un pays propre, et plus étrange de se promener au milieu de maisons de poupées. Le Japon est un pays flatteur pour un petit homme. Personne n'arrive à l'y dominer, et il regarde de haut toutes les femmes comme il est juste et convenable. Un négociant en curiosité se plia en deux sur son resplendissant tapis de porte et j'entrai, sentant pour la première fois que j'étais un barbare et non point un vrai saïb. La fange des rues avait laissé des traces épaisses sur mes bottines et lui, l'immaculé maître de séant, me demanda de traverser un plancher poli et des nattes blanches pour me rendre dans une chambre intérieure. Il m'apporta un tapis de pied, lequel ne fit qu'empirer les choses, car une jolie fille étouffa de rire derrière la cloison, tandis que je m'escrimais dessus. Les boutiquiers japonais ne devraient pas être si propres. J'arrivai dans un couloir planchéié, large de 2 pieds, trouvai un bijou de jardin, planté d'arbres nains, dans un espace grand comme la moitié d'un tennis, me heurtai la tête à un linteau fragile et parvins à une friandise d'ébénisterie, entouré de 4 murs, où involontairement je baissai la voix. Le marchand fit apporter du thé pâle, du thé comme vous en lisez dans les livres de voyage, et ce thé mit le comble à mon embarras. Ce que je voulais dire, c'était « Tenez l'homme, vous êtes beaucoup trop propre et trop raffiné pour cette vie d'ici-bas, et votre maison n'est point faite pour que les humains y habitent, à moins qu'on ne leur ait enseigné un tas de choses » que je n'ai pas encore apprise. En conséquence, je vous hais, attendu que je me sens votre inférieur, et vous me méprisez, moi et mes bottines, attendu que vous me prenez pour un sauvage. Laissez-moi m'en aller, ou je vais vous faire tomber sur les oreilles votre maison de bois. Ce que je dis fut en réalité « Oh, ah, yes, tout ce qu'il y a de plus joli ». Quelle curieuse façon de traiter les affaires. Mon hôte se trouva être un horrible extorqueur, et j'eus chaud et me sentis mal à l'aise, jusqu'à ce que je fusse dehors et redevenu bon sujet britannique, ne craignant pas la crotte. Hélas, que le mot écrit est incomplet. J'avais tant à vous dire sur Nagasaki et le cortège de funérailles que je rencontrais dans les rues. Il vous faudrait lire quelque chose à propos des femmes en blanc qui gémissaient, en suivant le mort enfermé dans une chaise à porteurs, laquelle chaise en bois se balançait sur les épaules des hommes, tandis que le prêtre bouddhiste, couleur de bronze, trottait devant et que des petits garçons couraient sur les côtés. Thank you. J'avais préparé en mon esprit des réflexions morales, des aperçus de la situation politique et un essai complet sur l'avenir du Japon. Maintenant, j'ai tout oublié. De Nagasaki, nous, le steamer de la Peninsular and Oriental, partîmes pour Kobe par la mer intérieure. C'est-à-dire que, durant les 20 dernières heures, nous n'avons cessé de courir à travers un lac colossal, parsemé, aussi loin que le regard s'étende, d'îles de toutes dimensions depuis 6,5 km de long sur 2 de large, jusqu'à de petits monticules en forme de chapeau à cornes, pas plus gros qu'une bonne meule de foin. Mr. Cook and Son font payer 100 roupies environ d'extra pour le parcours à travers cette partie du monde, mais ils ne savent pas comment affermer les beautés de la nature. Sous n'importe quelle couleur de ciel, les îles en question, pourpre, ambre, grise, verte, noire, valent 5 fois l'argent demandé. Je suis assis depuis une demi-heure parmi un groupe de touristes criards, me demandant comment je pourrais vous en donner une idée. Les touristes, bien sûr, sont indescriptibles. Ils disent « Oh !» toutes les 30 secondes, et au bout de 5 minutes, se crient de l'un à l'autre. « Dites donc, vous ne trouvez pas que cela se ressemble ?» Puis ils jouent au cricket avec un manche à balai jusqu'à ce qu'un paysage extraordinairement beau les fasse s'arrêter et crier « Oh !» de nouveau. S'il y avait un peu plus de chênes et de pins dans les îles, tout cela ne nous éloignerait pas beaucoup du lac Nénital. Mais nous ne sommes pas près de Nénital. Car pendant que le navire descend les avenues d'eau, je vois la crête des vagues voler à 10 pieds en l'air au flanc des falaises sonores, quoiqu'il fasse calme plat. Nous voici arrivés à un endroit plus étendu, peuplé de tant d'îles, que le tout semble un terrain solide. Nous courons à travers les paquets d'eau que lance en l'air le courant de la marée autour d'un récif éloigné. Et apparemment, nous allons heurter un arpent de rochers massifs. Quelqu'un sur le pont nous sauve et nous mettons le cap sur une autre île, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'œil se fatigue de regarder l'avant du navire dans son mouvement d'oscillation et que l'âme humaine, finalement trop limitée pour répéter « Oh !» toute une frissonnante soirée, redescende de ses sommets. Quand vous viendrez au Japon, cela peut se faire aisément en 3 mois ou même 10 semaines, parcourez cette merveilleuse mer et remarquez avec quelle rapidité l'étonnement dégénère en intérêt et l'intérêt en apathie. Nous avions apporté de Nagasaki des huîtres avec nous. Leur apparition, à dîner ce soir, m'intéresse beaucoup plus que l'île en forme d'étoile de mer au dos velu, qui vient, à mes côtés, de glisser comme un fantôme sur les eaux gris-argent et qui s'éveille au toucher de la pleine lune. Oui, c'est une mer de mystères et de légendes, et les voiles blanches des jonques sont d'argent au clair de lune. Mais si le steward accommode ses huîtres au curry au lieu de les servir sur la coquille, toutes les beautés voilées d'une falaise et d'un rocher sculpté par l'eau ne sauront me consoler. 2 jours plus tard. Ceci vient de Kobe, à 30 heures de Nagasaki, dont la partie européenne est une ville américaine, dans tout l'éclat du neuf. Nous descendîmes les rues spacieuses et nues, entre des maisons en imitation de stuc, à piliers corinthiens de bois, à vérandas et arcades de même, le tout gris-pierre, sous des cieux gris-pierre, et montant la garde sur des plantations aussi vertes que neuves, appelées à tort des arbres ombreux. En vérité, Kobe est, à l'extérieur, hideusement américaine. Même moi, qui n'ai vu l'Amérique que sur les images, je reconnus d'un coup que c'était Portland, Maine. Elle réside au milieu de collines, mais toutes scalpées, et l'impression générale est d'ailleurs. Nous allons de Kobe à Yokohama par le chemin des écoliers. Cela nécessite un passeport, attendu que nous voyageons dans l'intérieur et ne faisons pas le tour de la côte à bord d'un bateau. Nous prenons une voie ferrée qui peut être ou n'être pas complète en sa partie moyenne, et nous nous écartons de cette voie ferrée complète ou non, selon que l'idée nous en prend. Ce sera l'affaire d'une vingtaine de jours et devrait comprendre 70 ou 80 kilomètres de pousse-pousse, un voyage sur un lac et, je crois, des punaises. Comme à Nagasaki, la ville était pleine de bébés et, comme à Nagasaki, tout le monde souriait, sauf les Chinois. Je n'aime pas les Chinois. Il y a dans leurs traits quelque chose d'incompréhensible pour moi, quoique d'assez familier. Le Chinois, dis-je, est notre indigène des Indes. Voilà le regard qu'on trouve dans les traits de l'autre. Mais le Nippon n'en est pas un, et ce n'est pas non plus un Saïb. Qu'est-ce donc ? Le professeur regarda un moment la rue houleuse. Le Chinois est un vieillard dès sa jeunesse, absolument comme l'indigène des Indes. Mais le Nippon est un enfant, toute sa vie. Pensez à l'air que prennent les grandes personnes au milieu d'enfants. C'est cet air-là qui vous tracasse. Je n'ose pas dire que le professeur a raison, mais, à mes yeux, il parut qu'il disait vrai. De même que la connaissance du bien et du mal imprime sa marque sur les traits d'une grande personne de chez nous, de même quelque chose d'incompréhensible pour moi avait imprimé sa marque sur les traits des Chinois. Il n'avait avec la foule aucun lien autre que celui que peut avoir un homme à l'égard des enfants. « Ils sont la race supérieure, » dit le professeur du ton de l'ethnologue. « Ils ne peuvent pas l'être. Ils ne savent pas jouir de la vie, » répondis-je du ton de l'immoraliste. « Et en tout cas, leur art n'est pas humain. »« Qu'importe, » dit le professeur. « Voici une boutique pleine de débris du vieux Japon. Entrons voir. » Nous entrâmes, mais je demande que quelqu'un élucide pour moi la question chinoise. C'est un trop gros morceau pour qu'on puisse la traiter seul. Nous pénétrâmes donc dans la boutique de curiosité, notre chapeau à la main, par une petite avenue de lanternes en pierre ciselée et de sculptures de bois représentant des démons dont on ne saurait décrire la hideur, pour nous voir reçus par une image souriante dont les cheveux avaient blanchi parmi les netsuke et la laque. Ce marchand nous montra les bannières et les insignes de Daimyo, depuis longtemps défunt, tandis que nous ouvrions la bouche dans l'étonnement de l'ignorance. Il nous montra une tortue sacrée, de la taille d'un mammouth, sculptée dans le bois avec le plus minutieux détail. Il nous conduisit de chambre en chambre, la lumière baissant à mesure que nous avancions, jusqu'au moment où nous atteignîmes un jardin minuscule et un cloître de menuiserie courant tout autour. Des armures complètes du vieux temps nous faisaient des grimaces dans l'ombre, d'anciens sabres cliquetaient à nos pieds, de bizarres bourses à tabac, aussi vieilles que les épées, se balançaient à quelque invisible support, et les yeux d'une vingtaine de bouddhas délabrés, de dragons rouges, de Tirthankar Jain et de Belos de Birmanie nous lançaient des regards enflammés, par-delà un rempart de robes de cérémonie en brocart d'or déguenillé. La joie de la possession existe dans le regard. Le vieillard nous montra ses trésors, depuis les sphères de cristal montées en un bois qui a roulé dans la mer, jusqu'aux entassements de cabinets remplis de sculptures sur ivoire et sur bois, et nous fûmes aussi riches que si nous eussions possédé tout ce qui se trouvait devant nous. Malheureusement, le nom de l'artiste n'était indiqué que par un simple trait de caractère d'écriture japonais, de sorte que je suis incapable de dire qui conçut, et en ivoire couleur de crème, exécuta, le vieux qu'embarrassait horriblement un poulpe. Le prêtre qui fit porter un cerf par le soldat, et rit en pensant que le bon morceau serait pour lui et le fardeau pour son compagnon. Ou le serpent sec et maigre, enroulé en signe de dérision sur un crâne sans mâchoire et portant les taches de la corruption. Ou le blaireau rablaisien qui se tenait sur la tête et vous faisait rougir, quoiqu'il ne fût pas long d'un demi-pouce. Ou le gros petit garçon qui rossait son frère plus petit. Ou le lapin qui venait de faire une farce. Ou... Mais il y avait des tas de ces notes, issus de tous les modes de gaieté, de mépris, d'expérience qui animent le cœur de l'homme et de cette main qui a tenu dans sa paume une demi-douzaine d'entre elles, je saluai l'ombre du sculpteur mort. Il était allé au repos, mais il avait tiré de l'ivoire trois ou quatre impressions après lesquelles j'avais naguère couru en froid caractère d'imprimerie. L'anglais est un animal étonnant. Il achète une douzaine de ces choses, les met sur le haut d'un cabinet surchargé, où elles ont l'air de taches insignifiantes d'ivoire, et les oublie au bout d'une semaine. Le japonais les cache dans un beau sac de brocart, ou bien une paisible boîte de lac, jusqu'à ce que trois amis sympathiques s'en viennent prendre le thé. Alors, il les sort lentement, et on les examine en connaisseurs, avec de tranquilles rires étouffés, des délibérations et des tintements de tasses, puis elles retournent en leur abri jusqu'à ce qu'on se sente de nouveau disposé à les examiner. C'est la façon de jouir que nous appelons « curiosité ». Tout homme qui a de l'argent, au Japon, est un collectionneur, mais vous ne trouverez pas des tas de « choses » à l'étalage des meilleures boutiques. C'était « Lettre du Japon », chronique d'une traversée, de Rudyard Kipling, traduction de Louis Fabulet et Arthur Austin Jackson, extrait choisi par Catherine Crapoulet. Premier épisode, avec Laurent Stocker, Christian Gonon. Prise de son, montage, mixage, Marie-Thérèse Ferrand et Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Catherine Lemire. Les lettres du Japon sont publiées aux éditions Elitis.